elle faisait trop la maligne, elle a fait un malaise au ballon. Okay. Zama, elle surveille sa ligne, mais elle pillave la boîte qu'à bonbon. Tu vas bouffer la praline, tu vas voir fumer le bout du canon. Mélange dans la cristalline, comme il dit le barman, je bois des canons. Rien que ça s'enjaille, okay. Ce soir je suis ailleurs, okay. Là je me médaille, moi je la vois sans taille. Je suis un gros taf, rien que ça s'enjaille, okay. Lambo et Senza, vodka à la paille. Ça détonne à la mort, des fois ça s'endort sur le piano. Des jaunes barres de riz, des grosses barres de rire dans le Viano. J'mélange au coca chérie, toujours bangs comme le Ranuciano. Sur le match, regarde des séries, c'est comme Othello dans le Viano. J'prends des vols en business, au moins j'entends pas les réacteurs. J'regarde toutes les réactions, j'me dis en vrai c'est que des acteurs. Pro Tools, MacBook Retina, j'peux t'envoyer des sons à toute heure. Pense à ta mère mesquina, fais pas le fou quand t'es en scooter. Ça fait du jet vers les calons quand RSI ça tourne à Cassi. JBL de toutes les couleurs, j'écoute que des playlists de classiques. Ça bétonne à la mort, des fois ça s'endort sur le piano. Que des jobards de riz, des grosses barres de rire dans le Viano. J'mélange au coca chérie, toujours bangs comme le Raluciano. Sur le match, regarde des séries, c'est comme Othello dans le Viano. J'rentre à Herbel, récup'moi aux égalades. Y'a la 308 derrière, elle me cache la salade. J'ai loué la Lambo, couleur or, couleur lingo. Elle est belle et que j'suis franco, ouais j'ai pris sur le 50. J'rentre à Herbel, récupère-moi aux égalades. Y'a la 308 derrière, elle me cache la salade. J'ai loué la Lambo, couleur or, couleur lingo. Elle est belle et que j'suis franco, ouais j'ai pris sur le 50. Ça m'étonne à la mort, des fois ça s'endort sur le piano. Que des jours barres de riz, des grosses barres de rire dans le Viano. J'mélange au coca chérie, toujours bangs comme le Raluciano. Sur le match, regarde des séries, c'est comme on...